ces quelques mots se lovent dans l'ombre de vos ondes, dans l'eau de vos secondes, qui perce une douce alcôve, qui berce des envies de tuer votre absence, de croiser en silence un instant votre vie, devenir un tatouage en rêve sur votre dos, tracé comme votre nage, à fleur d'eau et de peau, cicatrice d'un passage, bouquet de mots en flots.